Je vais donner maintenant la parole à Christian Marois. Christian Marois qui est professeur à l'Université de Montréal, qui est depuis 2010 titulaire de la chaire de recherche du Canada en politique éducative, donc à l'Université de Montréal, chercheur au CRIF, spécialiste des politiques éducatives, des modes de régulation et de gouvernance des systèmes d'enseignement, et qui a dirigé en 2013 l'épreuve de la performance. Le titre de son intervention est « Néolibéralisme néolibéral, des catégories éclairantes, point d'interrogation, à quelles conditions, point d'interrogation ?» Merci Pascal. Donc la question que je vais me poser, c'est est-il éclairant de qualifier l'évolution des modes de gouvernance et des modes de régulation, notamment des systèmes d'éducation, en les qualifiant de néolibérales. Est-ce que cela nous apporte une compréhension suffisante de ce qui est en jeu et dès lors une réflexion appropriée sur les réponses politiques à apporter ? Alors je voudrais poser cette question, car je suis parfois agacé par la prolifération de l'usage de ce qualificatif de néolibéral. Et pour interpréter les changements en cours. Alors, on verra dans la discussion que je rejoins en partie les collègues qui viennent de s'exprimer et en même temps que je m'en différencie en partie également. Et donc, je réponds à la question, est-ce que le qualificatif néolibéral est pertinent ? Je réponds à la fois oui et non. D'une part, je vais me baser sur une définition socio-économique, plutôt issue de la sociologie économique, donc une définition que je vais qualifier de restreinte, et d'autre part, je ferai brièvement allusion aussi à une définition plus large basée sur Foucault. Alors, en partant d'une définition donc restreinte du néolibéralisme, on pourrait proposer la définition suivante, qui me semble la plus courante, c'est que le néolibéralisme, c'est d'abord une tendance à déréglementer, à déréguler un secteur d'activité organisé par l'État et des règles publiques de coordination. Et donc, en ce sens, le néolibéralisme, c'est d'abord une tendance à libéraliser à un secteur pour laisser plus de marge de jeu aux acteurs, ce qui est supposé leur donner davantage d'autonomie. Et deuxièmement, c'est laisser subséquemment la compétition et la concurrence de ces autonomies se régler en supposant que ça va être au service du plus grand nombre. Ainsi, les politiques néolibérales se donnent à voir par une forme de retrait de l'État, de remplacement des organisations publiques par des organisations privées. C'est la dimension privatisation externe inhérente au néolibéralisme. D'autre part, c'est la promotion d'une logique de marché entre différents prestataires publics de services, pour améliorer la qualité et l'efficience, la dimension marchandisation. Et enfin, le néolibéralisme, c'est aussi l'importation de différentes recettes de gestion importées de l'entreprise privée. C'est la dimension managérialisation du néolibéralisme. Alors, le nouveau public management, enfin le nouveau management public, pardon, a ainsi été présenté comme l'exemple type d'une doctrine néolibérale qui incorpore un peu de ces trois ingrédients. Et en fait, le nouveau management public, c'est une doctrine très, très hétérogène, comme l'a montré à la fois Christopher Root et Philippe Bézès en France, qui comprend plusieurs traits, mais qui rejoignent les ingrédients que j'ai évoqués. La distinction entre le pilotage politique et la gestion, l'autonomie relative d'organisations prestataires de services, l'orientation client, la définition d'objectifs mesurables, des outils d'évaluation et de reddition de comptes, la mise en compétition des prestataires de services, l'importation d'outils de management privé au sein du secteur public. Donc, cependant, comme l'ont montré de nombreux travaux empiriques, notamment d'origine néo-institutionnaliste, ces logiques qui sont composées dans cette doctrine ne s'implémentent pas, en fait, en faisant table rase du passé et des institutions existantes. Dans les faits, le nouveau management public se développe plutôt par sédimentation, s'intégrant de manière plus ou moins parcellaire aux logiques d'action des administrations publiques des pays des occidentaux dans les années 80-90. Et cela illustre d'une part que les modèles de gestion de référence dits néolibéraux ne sont pas monolithiques, et d'autre part que plusieurs processus institutionnels à la fois de sédimentation, d'hybridation ou de composition mosaïque vont jouer dans la construction et l'implantation de ces réformes managériales néolibérales. Alors je voudrais m'appuyer sur deux recherches que j'ai menées pour un peu illustrer ces processus et complexifier l'analyse. D'une part, une recherche européenne qui s'appelait Reguleduc, qui a été menée dans les années 2000-2004 sur 5 pays européens que j'avais coordonnés quand je travaillais à l'Université de Louvain, qui insistait sur le fait qu'il y avait des tendances communes dans les politiques éducatives à la fois de l'Angleterre, de la France, de la Hongrie, du Portugal et de la Belgique, mais elle insistait en même temps sur le fait que ces différents pays développaient de l'autonomie des établissements, de la montée de l'évaluation externe, de l'accroissement du choix des parents, de la diversification de l'offre scolaire, mais avec donc ces cinq pays développaient ces tendances, mais en empruntant des voies qui leur étaient spécifiques. Ainsi, la recherche montrait que la trajectoire politique de l'Angleterre la rapproche clairement de ce qui est décrit comme une logique néolibérale. Il y a à la fois un développement d'un quasi-marché, mais en même temps, il y a mise en place de logiques managériales dans les établissements scolaires autonomes. Et il y a également la mise en place d'une forme dure de reddition de comptes ou d'accountability qui s'accompagne aussi de la montée de la privatisation du renforcement des écoles privées. Mais dans d'autres cas, les trajectoires ne développaient pas du tout au même degré, par exemple, le modèle du quasi-marché et de la privatisation. Certains pays comme la France ou le Portugal, par exemple par rapport à l'Angleterre, au moins au début des années 2000, allaient plutôt vers un modèle qu'on a appelé d'État évaluateur à faible enjeu, plutôt que vers celui du quasi-marché, même si les choix des parents ont conduit par le bas, je dirais, au développement de mise en concurrence des écoles privées et publiques, sans que ce ne soit forcément l'objet d'une volonté politique affirmée, ce qui a pu changer effectivement en France dans les dernières années. D'autres pays encore avaient affaire à un développement du marché sur fond de règles de liberté d'enseignement construites au courant du 19e et 20e siècle, règles, par exemple, de liberté d'enseignement qui ont été construites au départ pour d'autres finalités, l'apaisement des guerres scolaires en particulier. Et donc, il y a eu une forme de conversion de ces règles institutionnelles anciennes, la liberté de choix et la liberté d'enseignement, vers de nouvelles finalités, sans que ce soit non plus une politique délibérée. Au contraire, il y a plutôt une politique de régulation du marché et du choix, par exemple, qui a pris place depuis le début des années 2000 en Belgique. Alors je prends ces exemples, saisis dans une logique comparative, pour montrer qu'il est en tout cas insuffisant pour saisir le sens et la trajectoire des politiques de se référer à une définition d'un modèle unique de politique qui pourrait être qualifié de modèle néolibéral. Primo, il y a plusieurs modèles de régulation qui peuvent être mis à disposition au sein du construit cognitif assez composite du nouveau management public. Il y a cohabitation d'un modèle que je qualifie de quasi-marché et d'un autre modèle qu'on peut appeler celui de l'État évaluateur, ou si on prend un vocabulaire anglo-saxon, de ce qu'on appelle la market-based accountability versus la government-based accountability. Secundo, sauf révolution conservatrice, qui est le cas anglais et d'autres pays, il y a plusieurs arrangements institutionnels ou mécanismes de changement ou de non-changement institutionnel qui médiatisent et façonnent la trajectoire effective de la politique et des changements qu'elle impulse. Il y a des mécanismes de dépendance de sentier, il y a certaines institutions qui résistent d'une certaine manière au modèle néolibéral. C'est le cas, par exemple, de corps comme l'inspection, qui sont des corps très, très anciens en France, qui se redéfinissent dans ce nouveau contexte. C'est le cas de référents normatifs communs, comme l'école républicaine en France, même si elle est prise à la fois soit comme idéal, soit comme modèle repoussoir, mais ça reste des référents normatifs qui peuvent structurer et influencer ou modeler les trajectoires des politiques. Il y a aussi présence de mécanismes de sédimentation ou d'empilement institutionnel qui peuvent conduire à toutes sortes de formes de contradictions entre les logiques de régulation à l'œuvre qui peuvent se vouloir à la fois au-delà du bureaucratique ou post-bureaucratique, mais dans les faits renforcent des procédures bureaucratiques. Il y a des logiques de conversion institutionnelle, etc. Deuxième exemple que je voudrais rapidement prendre, qui est l'exemple d'une recherche que je mène actuellement, qui est une comparaison France-Québec sur la mise en place de la gouvernance par les résultats en France et au Québec, une recherche qui est menée par la chaire et en partenariat avec l'Observatoire sociologique du changement et sous la direction d'Agnès Van Zanten. La gouvernance par les résultats s'appelle au Québec la gestion axée sur les résultats. Alors, on n'a pas encore commencé l'analyse comparée avec la France, mais on a travaillé sur la trajectoire de la politique québécoise. Et on peut faire l'hypothèse au Québec d'un métissage des principes du nouveau management public avec un maintien d'une forte valorisation de l'État et d'un mode de régulation bureaucratique qui demeure influent, ce qui la rapproche, ce qui rapproche la trajectoire de la politique d'une version que Clark appelle néostatiste de la nouvelle gestion publique par rapport à une version qu'il appelle néolibérale. La nouvelle gestion publique néolibérale met l'accent sur la réduction des déficits publics ou des dépenses publiques, ainsi que sur la promotion d'une approche des services publics fondée sur la substitution du marché aux services publics offerts par les organismes publics, alors que l'option néostatiste ne dénigre pas l'État et mise sur la refonte des administrations publiques centrales, intermédiaires ou locales qui doivent être tournées vers les besoins des utilisateurs et être plus efficaces. Et donc cette refonte s'opère notamment en cherchant à améliorer la performance des administrations publiques par le recours à des outils comme la gestion axée sur le résultat. Donc on peut faire l'hypothèse, en tout cas, qu'il y a un métissage du principe de la nouvelle gestion publique avec le maintien d'une forte valorisation de l'État, d'un modèle de régulation qui demeure influent, mais aussi on peut soutenir que dans le champ éducatif au Québec, les principes néo-managériaux se mixent de façon plus ou moins d'ailleurs harmonieuse avec des modes de régulation communautaire qui préexistaient. Donc la gare, la gestion axée sur les résultats au Québec dérive certes pour partie de la nouvelle gestion publique, mais elle se sédimente à des institutions existantes qui sont le plus défendues par certains acteurs, et l'histoire n'est d'ailleurs pas terminée. Donc la première idée que je veux défendre, c'est qu'il existe des sentiers, des voies différenciées parmi les politiques de changement des régulations des systèmes d'enseignement, et toutes ne sont pas néolibérales au sens strict, il y a des variantes qu'on peut dégager. Ceci dit, et là je vais rejoindre le propos de mes collègues, on peut aller plus loin dans la discussion et dire que mon analyse reste à un niveau relativement superficiel, et donc on peut effectivement définir le néolibéralisme de manière plus extensive, en s'inspirant par exemple, et ça a été le cas de Michel Fabre, du travail de Foucault sur la biopolitique, ou de façon générique au fond, je dirais, le néolibéralisme est présenté comme une nouvelle forme de gouvernementalité qui, selon Foucault, est désignée comme les techniques et procédures destinées à diriger la conduite des hommes. Donc ça renvoie à la façon dont Foucault va envisager le pouvoir, non pas à partir de notions de souveraineté et d'imposition des règles et de la loi, mais à partir de techniques, de disciplines qui se mettent en place dans le maillage fin des relations et des institutions sociales. Alors, la notion de gouvernementalité va d'ailleurs permettre à Foucault de faire la jonction entre plusieurs types de dispositifs ou de technologies qu'il distingue, notamment les technologies du pouvoir et d'autre part les techniques de soi. Alors, les nouvelles formes de régulation néolibérale du système éducatif peuvent alors évidemment être interprétées, et ça a été un peu le cas, me semble-t-il, à la fois de Christiane Goyer et de Michel Fabre, comme de nouvelles formes de régulation qui associe des nouvelles techniques de pouvoir et des nouvelles techniques de soi. Alors, il y a eu de très, très nombreux articles, notamment en Angleterre et aux États-Unis, pour interpréter les nouvelles formes de gouvernance dans cette lignée-là. Par exemple, Suspicina, dans un article dans Journal of Education Policy en 2010, va montrer que pour les États-Unis, les politiques qui se mettent en place des nouvelles formes de managérialisme, de marchandisation, et là, ça rejoint tout à fait ce que disait Christiane Goyer, et la construction d'un soi entrepreneurial en éducation au niveau des subjectivités. Et donc, on pourrait ainsi, et on a montré, toute une série d'articles ont montré que les dispositifs d'accountability, par exemple, participent de dispositifs de surveillance proches du Panopticon, papier de Perryman dans Journal of Education Policy en 2008, alors que les meilleures pratiques, mises en exergue dans des brochures à destination des enseignants publiées par les ministères de l'Éducation, vont procéder d'une discipline ou d'une technologie qualifiée par Foucault, de, non pas de panopticon, mais de synopticon, ce qui a été montré par Martin Simons de la KU Leuven. Donc ces techniques de pouvoir ont pour visée de changer les subjectivités et de développer des dispositions à la réflexivité et à l'autosurveillance en référence à des critères inscrits dans les dispositifs. Et les nouveaux entrepreneurs éducatifs sont, ainsi autant les nouveaux managers scolaires que des enseignants auxquels on demande de prendre en charge leur développement professionnel et d'améliorer leurs pratiques, alors que les élèves doivent devenir soucieux de leur projet d'avenir et de leur construction identitaire. Alors, je partage en partie cette interprétation, mais le problème de cette interprétation, c'est qu'elle ne permet pas de penser des situations de décalage entre la normativité des nouveaux dispositifs qui se mettent en place et de décalage entre les scripts institutionnels inscrits dans ces dispositifs qui sont promus par les politiques et d'autre part les subjectivités, les identités ou les ethos des différents acteurs. Donc il y a dans l'hypothèse de la gouvernementalité néolibérale une correspondance étroite entre la promotion de nouvelles techniques du pouvoir et l'appropriation par les acteurs de ces techniques de soi. Alors le problème de cette interprétation, c'est qu'elle ne semble pas permettre de penser que les normes et les régulations mises en place par les autorités publiques peuvent être partiellement détournées, discutées, et sont sujettes à interprétation et à contestation politique. Autrement dit, il n'y a pas d'écart entre la réalité voulue par l'institution, par le discours inscrit dans les dispositifs de pouvoir, et la réalité effective. Il n'y a pas de marge de jeu, de décalage effectif ou virtuel entre la réalité institutionnelle et ce que Boltanski va appeler le monde en s'inspirant de Wittgenstein. À l'opposé, je serais plus enclin à penser les nouvelles formes de régulation dans une lignée plutôt néo-institutionnaliste, comme j'évoquais, où les institutions mises en place par les rule-makers n'empêchent pas des écarts par les rule-takers. Ainsi, l'institution, alors dans cette logique, est conçue comme un régime social où il peut y avoir un écart entre la norme sanctionnée et les pratiques. Bref, la notion de gouvernementalité néolibérale me semble partiellement éclairante et intéressante, et donc j'adhère en partie, par exemple, à ce que Michel Fabre et Christiane Goyer viennent de dire. En même temps, il me semble qu'elle a deux limites ou inconvénients. C'est qu'elle ne permet pas, d'une part, de nommer et de comprendre les variations, et d'autre part, elle est impuissante à penser des changements qui viennent de la contestation et contestations qui naissent justement des écarts entre les orientations normatives des dispositifs du pouvoir et d'autre part les orientations des acteurs qui ont eux-mêmes une histoire. Les changements peuvent aussi naître des incohérences entre les différents dispositifs, des vitesses de développement différentielles des dispositifs, des dépendances de sentiers qui construisent de l'inertie institutionnelle. Donc, d'une certaine manière, Le problème des interprétations trop globalisantes, c'est de lire trop de cohérence entre l'ensemble des dispositifs de pouvoir, ce qui rend impuissant par rapport à justement la compréhension soit des variations, soit des sources par le bas, des réinterprétations et des réorientations des dispositifs de pouvoir. Donc en ce sens-là, il me semble que des perspectives ouvertes d'ailleurs par Luc Bostanski récemment, par De la Critique, me semblent plus ouvertes pour penser sans doute les dispositifs de pouvoir développés par le néolibéralisme, mais penser tout à la fois les possibilités de critiques qui peuvent être générées à la base. Je vous remercie.